I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salut, Sylvain Latour de retour pour Subversion, édition du 4 mars 2016. Je suis avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Oui, encore une fois de retour pour une 24e émission dans laquelle nous entendrons entre autres quelques plus ou moins nouveautés en fait dont Rotting Christ qui ont sorti un album le mois passé, le 12 février. J'avais entendu beaucoup de bien de ce nouvel album Rituals. Bon, je capote pas là-dessus, mais ben, j'ai décidé d'en faire passer une pièce quand même. Une réédition de Pig Destroyer dans la deuxième moitié de l'émission, je crois, oui. Et puis, outre tout cela, nous aurons évidemment un segment avec notre ami Mike, The Metal God, ou The Metal Guy, comme vous préférez, avec lequel nous avions jasé lors de notre dernière rencontre dans ce fameux restaurant hein, où ce qu'on avait jasé des nouveaux Megadeth et Dream Theater. Nous avions aussi un segment où nous analysions plus ou moins la formation partante, l'alignement partant du festival Heavy Montreal pour cette année. Alors, à ne pas manquer dans la deuxième moitié de l'émission. Donc, allons-y tout de suite avec un premier bloc de trois pièces. Nous aurons un collectif de musiciens qui rend hommage à John Lord avec Deep Purple. Nous aurons aussi la formation danoise Mnemic. Mais d'abord, Forbidden avec leur excellent retour de 2010 de l'album Omega Wave, bien sûr. Forsaken at the Gates. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back. C'est quoi, sérieusement, là, tes funérailles? La toune. Oh, juste mes funérailles, m'en fous, être mince. What did I see? Love me like a reptile, the Motorhead. Ou I fuck like a beast, the Wasp. It's always there! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Albert Hall, London! Let's have some love! For Brother John, let me hear you. Yes, let's hear the laugh of my boy. And as the song goes, the next song goes, I think John, he didn't believe she was the devil's sperm either. Or perm. People laughed till she said, Burn. Burn. And that's what we did. Yeah! Robertson. Bruce Dickinson. Thank you, thank you. Thank you. See you all a bit later. Thanks, John. If he's watching, he's taking the piss and he's absolutely. Vous avez reconnu, sans doute, le grand Bruce Dickinson, Iron Maiden, qui est accompagné évidemment de Glenn Hughes, le bassiste et vocaliste aussi, avec cette voix très haut perchée, très motivée. Qui figurait parmi les anciens Deep Purple dans cet hommage à John Lord, le regretté John Lord, qui nous a quitté en 2012. Le Celebrating John Lord, cet événement-là avait lieu, évidemment, au Royal Albert Hall de Londres, le 4 avril 2014. On a entendu la relecture de Burn, dont la pièce originale et la pièce titre de l'album qui avait vu le jour en février 1974 figuraient parmi les grands classiques qu'ils ont interprétés ce soir-là, et ça coïncidait avec le 45e anniversaire du Concerto for Group and Orchestra de John Lord, qui avait débuté au même endroit en 1969. Aussi sur cette scène, on avait le batteur Ian Paice et le clavieriste Don Airey, qui figurent dans la formation actuelle de Deep Purple, et aussi le claviériste Rick Wakeman de Yes. Et comme si ce n'était pas assez, un orchestre symphonique derrière eux. Alors, soirée mémorable sans doute pour rendre hommage au grand John Lord. Oui, avant ça, dans le bloc, on avait eu les Danois de Mnemic avec The Naked and the Dead. C'était sur l'album de 2003, Mechanical Spin Phenomena, leur premier excellent album, le meilleur, sans doute, à mon avis. Et avant ça, on avait eu Forbidden, évidemment, avec Forsaken at the Gates, de l'album Omega Wave de 2010. Un des très bons albums retour des dernières années, vraiment à revisiter pour ceux qui, qui n'ont pas écouté depuis un bout. C'est vraiment un retour réussi en ce qui les concerne. C'était leur 5e album. Oui, c'est ça, oui. Ça m'a fait penser, j'ai parlé de voix comme ça, la voix de Bruce, la voix de Glenn, mais est-ce que vous avez vu ça cette semaine, la voix junior? What the hell? Non, mais j'ai de la difficulté. J'ai été outré de voir cette semaine, mercredi matin, ici à Montréal, la super tempête. Semaine de relâche. Alors, il y a plein de parents là, qui ont amené leurs kids faire une file d'attente dehors, OK, à moins 10, là, dans le centre-ville de Montréal, à l'hôtel des gouverneurs de je sais pas quoi. J'ai vu ça à l'écran de télé. Ça arrive des fois le matin que c'est ouvert à TVA, mais il n'y a pas de son, je vous rassure. Et là, je voyais ça. J'étais assis un peu plus loin, et là, je vois ça, OK. Cette file de... Qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Voyons. Oui, c'était la file pour... Il y a des parents qui font faire la file à leurs kids parmi une centaine d'autres pour passer des auditions pour un truc qui s'appelle la voix junior. Écoutez, on est en pleine pandémie de grippe et de virus XY. Puis, je sais pas, on s'en va dans le chaos montréalais pour faire passer leur kid à TV pendant 5 minutes. Je sais pas, j'ai de la difficulté un peu avec ça. Déjà que la formule, est déjà discutable. On parle quand même de diffuseurs qui ont sabré dans le sport national et l'éducatif, nom de Dieu. Non, mais... oubliez ça, là. Des René Simard, il n'y en aura pas d'autres. Puis la gloire au Japon, oubliez ça. Non, mais tu sais. En tout cas, je sais pas. La voix junior. Come on. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bon, OK. ce qui s'en vient pour vous, c'est un succès souvenir de Gorefest. Aussi, on aura un one-man project de Montréal du nom de Solid Silver. Mais avant, Killing Joke, l'essai vétéran, une pièce de leur album qui a figuré dans notre top 15 de l'année 2015, évidemment, de l'album Pile On. Avec une, on écoute la pièce New Cold War à Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back. Yeah. reconnu est bonne, reconnu, dis-je, cette formation hollandaise défunte, en fait, Gorefest, avec Piece of Paper, Piece P-E-A-C-E, de l'album Erase de 1994, qui figurera sans doute pendant longtemps un de mes grands classiques personnels des années 90. C'est une formation qui avait vu le jour à Hose, en Zélande, une ville de 37 000 habitants. La Zélande, qui est une province maritime du sud-ouest des Pays-Bas, évidemment, la formation s'est séparée en 2009. On a pu reconnaître aussi le jeu de batterie de Ed Warby, qui figure parmi un des musiciens, qui a été cité par des producteurs, des ingénieurs de son comme ça en studio, comme quelqu'un de très apprécié par son efficacité, son professionnalisme. Alors j'aime bien aussi la production des drums sur cet album-là. Alors vraiment un autre album qui est intéressant à réécouter, même après toutes ces années. Avant ça, on avait eu Solid Silver, qui est un projet solo, un one-man project de mon ami Mathieu Germain, un gars originaire du Nouveau-Brunswick, qui est domicilié ici à Montréal. Solid Silver avec Tentacles of Doom, c'est une pièce, un single qui est sorti en 2014, entre plusieurs autres singles qu'on peut écouter sur SoundCloud d'ailleurs. Alors je vous invite à aller voir ça, Solid Silver sur SoundCloud. Matt, c'est un gars brillant et très créatif, qui est capable d'agencer comme ça, et capable de passer de l'électro au punk, au doom, au death metal, qui fait partie de ses influences. Alors je vous invite à aller écouter ça sur SoundCloud, Solid Silver. Avant ça, on avait eu Killing Joke, qui est un des groupes fétiches d'ailleurs de Matt, avec la pièce New Cold War, qui figurait sur Pylon, leur album de 2015, qui figurait évidemment parmi les 15 meilleurs albums de l'année dernière, selon votre humble serviteur. 19h16 sur Underground Québec Radio, vous êtes toujours à Subversion. Et oui, ça va être le temps de passer à cette discussion qu'on avait eue avec notre ami Mike TMG à propos de cet alignement partant qui avait été annoncé il y a quelques semaines par Evenco en ce qui a trait au festival Heavy Montreal 2016. Alors après cette... est-ce qu'on avait une pause? Non, plus tard. OK, donc... on y va avec cette discussion avec Mike. Du studio A de Télémétropole, les Tannants. Quoi? Ah, c'était quoi ça là? Télémétropole. Come on. Hey, non. Wow. Hey, Pierre Marcotte, là, ça va faire. OK, nous sommes des professionnels, nom de Dieu. Hey, on recule ça. En avenir. On perd des villes de bas au-dessus. Et voici maintenant la chronique de Michel Monette, The Metal Guy. Profitons de ce séjour dans cette cathédrale alimentaire, ce restaurant déjeuner, pendant qu'on a encore le temps, puisque la sécurité n'est pas venue nous éjecter après notre troisième café encore. Donc, parlons un petit peu du Festival Heavy Montreal, du moins de l'affiche qui nous a été présentée la semaine dernière, qui représente du moins la formation partante du festival qui s'en vient en 2016. Toi, Mike, quelles sont tes impressions de ce line-up qui nous a été promis pour l'été prochain? Mais moi, je ne suis pas un grand fan de festival tel quel, à moins que c'est moi qui cédule le dit festival. Donc, voir 40 groupes en deux jours, il y a beaucoup de choix. Ce qui se passe avec ce festival-là, c'est que c'est plus un festival de musique américaine, de musique plus légère. Fait que c'est pas c'est métallique, là, on s'entend là-dessus, mais c'est pas du... Moi, en tant que fan de heavy metal et de trash metal et de death metal, je ne trouve pas vraiment mon compte. mis à part pour certains noms, là, 3-4 noms, mais pour le reste, pour les 22 autres artistes qui sont là, c'est pas ma tasse de thé. Si jamais, par exemple, si ils bookent Winter, puis Terrorizer, puis Righteous Pigs, puis Zentrix, puis Nocturnus, qui jouent de qui au complet, ça, c'est une autre paire de manches, mais là, on n'est pas dans le gueule. Nocturnus, passant... Nocturnus avec Mike Browning, s'il vous plaît. Ouais. The Key avec Mike Browning. Ouais. Parce que Nocturnus sans Mike Browning, c'est pas Nocturnus pour les fans de Nocturnus. Alors voilà, c'est sûr qu'on rit, puis on fait nos difficiles. Moi, je suis allé au festival il y a 2 ans pour Body Count. Je suis allé au festival il y a 3 ans pour Suicidal Tendencies. Ouais. Fait que ça m'a coûté 80$ pour un groupe tel quel, tu sais. Mais j'aimais beaucoup le festival au début. La troisième année, où est-ce qu'il y avait une journée, où est-ce qu'il y avait Testament, Anthrax, Halford, Fear Factory, Envolve, oui. Tout le samedi, oui. Puis l'autre le dimanche, c'était un peu plus différent. Ça, c'est le fun. Ça, oui. Mais là, il y a des mélanges. Il y a un groupe old school le samedi, un groupe old school le dimanche. Fait que ça te force à y aller aux 2 jours. Puis moi, je suis pas fan de cette tactique-là de marketing. Oui, puis la qualité des groupes, elle est là, mais pas tout le temps. Ou plutôt la quantité de groupes requis qui me forcerait, moi, personnellement, à y aller. Comme l'an passé, je serais bien allé voir Nuclear Assault, mais ça m'aurait coûté le plein prix d'une journée pour Nuclear Assault seulement. Les voir jouer à 4h de l'après-midi sous le soleil. Fait que c'est ça, les conditions sont là aussi. Il faut prendre ça en considération. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres groupes qui vont être annoncés. Là, présentement, il y a déjà Repulsion, il y a Cataclysm, il y a Carcass, il y a Kido, donc qui sont dans la veine old school, là, Trash Death. Gasification. Restera à voir si on va être capable, malgré tout, de se créer un timeline intéressant durant la journée. Tu sais, des fois, on chasse souvent sur les gros noms, puis les têtes d'affiche qui ont pas d'allure, là, comme Breaking Benjamin, comme vous disiez dans l'émission la semaine passée. Il dit, what the hell is this? Hein? Breaking Benjamin, c'est comment, là? Tu sais, je veux dire, en haut de Ghost, ou même de Blind Guardian, ou de... Ça fait pas de sens pour un festival métal, mais bon. Néanmoins, à chaque année, on réussit toujours à contourner les intrus, entre guillemets, et on finit toujours par créer un timeline pas mal intéressant. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas vu tous les bands. Hein. Le monde à Montréal sont gâtés, il y en a qui ont tout vu. Là. Et c'est des bands qui sont venus assez souvent dans les dernières années, pour la plupart, qui sont venus récemment. Dans les noms les plus intéressants, du moins. Fait que, je pense qu'il va pencher dans la balance pour se décider est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va. Est-ce qu'on y va une journée, ou est-ce qu'on y va les 2 jours, ou est-ce qu'on y va pas pendant tout, ça va être l'annonce des prochains bands. On va essayer de se laisser surprendre quand ils ont annoncé des Alice Cooper et des Motorhead sur le tard. Je suis confiant quand même qu'au moins une des 2 journées, on peut passer une très belle journée en créant notre propre horaire. À contresens du mainstream, on s'entend. Définitivement. Non, tu as bien résumé la situation, puis je suis sûr que chacun va pouvoir trouver un petit morceau de quelque chose. Mais pour moi, à date, en tout cas, je reste sceptique pour ce qui est de la liste, pour ce qui est du menu qui a été offert à date. Simon Girard faisait mention, justement, dans son analyse de l'affiche au Bourreau Métallique, en disant que, justement, il n'y avait pas de nom qu'ils ont fait comme « Oh, wow! » Je peux pas manquer ça. Il n'y en a pas. Bon, ça dépend de la vision de tous et chacun. Je pense que je donne un peu raison là-dessus. À part de Repulsion, peut-être que je suis vraiment curieux. J'ai une curiosité pour Repulsion, mais bon. Est-ce que ça mandate le 80$? Ouais, c'est ça. Je pense pas. Faudrait qu'il arrive avec un nom comme justement un affaire incroyable, justement comme Nocturnus ou ATS ou peu importe. Benediction. En tout cas, on peut ajouter des noms, là, on peut faire du name dropping, mais bon, on aime ça faire ça de toute façon. Mais on se créer des line-up avant que ça arrive, sans qu'on soit en position de partir des rumeurs, hein, parce que là, bon, on avait eu des rumeurs de Megadeth, mais ça s'est pas confirmé. Effectivement. Ça, c'est les groupes qui vont être en tournée. King Diamond est présentement en tournée aussi. Est-ce qu'il va passer au Québec, à Montréal ou au Canada? On ne sait pas encore, on verra. On est toujours en attente. Oui. L'avenir nous le dira, et puis peut-être qu'on se réunira à nouveau pour en discuter. Sinon, on se verra là-bas durant le set de Breaking Benjamin. Ah oui, j'ai bien hâte. Je vais sûrement m'acheter une tuque puis un bandeau pour célébrer l'occasion. Bon, ben à la prochaine. À bientôt, chers collègues. Le 9-3-7-0-7-0-7. Ben oui, mais est-ce capable? Ben tu sais, je veux dire, c'est juste un air, c'est une ambiance bien ordinaire, là. C'est juste du violoncelle. Vas-y encore. see, what we're talking about here is an organism that imitates other life forms and imitates them perfectly, trying to digest them, absorb them, and then process, shape its own cells to imitate them. It's imitation. We got to it before it had time to finish. Oh, talk or not, oh my God, to consume the enemy ultimate weapon for collecting the attempt. Stay hidden, dispatching all forms of life and growing, becoming more powerful. Que de brutalité à subversion avec Deeds of Flesh. La pièce, c'était Rise of the Virvum Juggernaut. C'était tiré de l'album Portals to Canaan de 2013. Formation californienne que j'ai su apprécier davantage avec le temps. Se sont vraiment raffinés. Voilà, écoutez, l'album de 2008, Of What's to Come, c'est un chef-d'œuvre dans le genre. C'est peut-être mon album de death metal favori des années 2000. Et celui-ci est pas mal dans la même veine aussi. Ouais, c'est ça. Et puis c'était sur Unique Leader, hein, label que le groupe lui-même, Deeds of Flesh, des membres de ce groupe ont fondé et opèrent toujours. D'ailleurs, ils ont sorti des albums de groupes comme Pyemia, Disavowed, Gorgasm, Beheaded, Decrepit Birth et Severed Savior. Alors, avant ça, un peu dans la même veine aussi, on avait eu également de 2013 cette pièce de Dying Fetus, Second Skin, tirée de l'album Ring Supreme, leur dernier. Et au début du bloc, on avait eu Pig Destroyer avec Scarlet Hourglass de 2004, de l'album Terrifier, initialement de 2004, mais que le groupe a réédité sous forme d'un vinyle multicolore. Ainsi que l'album Phantom Limb pour les amateurs. Alors surveillez ça. Ouais, les albums sont beaux, sont très colorés. Fait que c'est des Deluxe Vinyl Edition. Ouais. Pig Destroyer qu'on avait vu Wavy Montreal l'année passée avec Nuclear Assault. Ouais, c'est une des attractions sur cette scène de l'apocalypse, vraiment. C'était très bon. Ouais, c'était très entertaining. D'ailleurs, j'aimerais voir les archives que Stewie Henry avait filmées. Il était sur le côté gauche de la scène. Il semblait pas en revenir à un moment donné. Il spottait sa caméra vers le drummer. Peut-être sur Team Metal Montréal, sur YouTube, on peut peut-être voir ça. Bref, formation de 1997. Comme certains savent, qu'on prend des ex-membres de Agoraphobic Nosebleed, dont le fameux Scott Hall, qui est toujours là. La formation était hier à Brooklyn, dans l'État de New York. À New York. Au Music Hall of Williamsburg. Et revenait d'Europe, de Tilburg, en Hollande, où il s'était produit au Netherlands Death Fest. Et prochainement, Chicago, Minneapolis, ils sont sur une espèce de mini-tournée américaine. Ça serait le fun à revoir ça, Pig Destroyer à Montréal, encore dans un contexte comme le Vie Montreal, ça serait bien, oui. Pour contrebalancer, tu sais, après un set de Breaking Benjamin, là, un petit Pig Destroyer, là, ça nous replace, ça remet les idées en place, puis ça nous ramène les bonnes raisons de se déplacer sur l'île Sainte-Hélène. Alors, on sait jamais ce qu'il va nous annoncer, en passant. Bref, je voulais parler de la voix encore. Je suis fatiguant avec ça. La voix junior. J'ai revu les images, puis je peux pas m'empêcher de penser que... Écoutez, ils ont entassé les jeunes dans les corridors, même pas juste dehors, dans les corridors, là, tout le monde avec le saut de skidou, là, puis le tuc, puis le... Là, ça doit tousser là-dedans. Là, après ça, il faut qu'elle fasse une audition pour la voix, tu sais. Mais, ça prend-tu des imbéciles? Puis je me dis, ça va être la majorité, ça va être une gang de fails, Et je me dis, bon, je regardais les images tantôt, je me disais, ah, qui sait, peut-être on a un futur Luc Lemay là-dedans, ou un futur Sylvain Wood, ou encore un George Corbett-Grinder, ou un LG Petrov, on sait jamais. Ah, ça alors. Bon, OK. Je vais arrêter de traiter ce dossier. OK. Il nous reste plus de temps, en fait, depuis un bon bout, hein, parce qu'on a encore busté. Oui, parce que, bon, Underground Québec nous laisse carte blanche sur plein de choses, mais également de dépasser dans le temps. Mais sauf que ça sera pas diffusé sur Underground Québec, alors c'est un bonus cadeau pour ceux qui nous écoutent en différé sur SoundCloud. Alors, allez, on y va avec une autre pièce avant de se piéger. Je vous reviens pour le mot de la fin. Rotting Christ, Zenigmar, de l'album Rituals de 2016. La subversion. absolument rien compris. Ah, c'était Rotting Christ, évidemment, les Grecs, avec une pièce du nom de Zenigmar qui figurait sur l'album Rituals, qui est paru le 12 février dernier sur Season of Mist. J'ai choisi cette pièce parce que, ben, différente des autres sur l'album, qui est quand même assez up-tempo en général, celle-ci est un peu beaucoup plus lourde et atmosphérique, un peu dans la veine de Triptychon ou même Celtic Frost sur Monothéiste. Quand même un 12e album pour Rotting Christ, ces vétérans. J'ai dit c'est, mais c'est peut-être ça finalement, parce que Sakis Stolis, guitariste et vocaliste, bon, semble faire aussi beaucoup d'autres choses. Bon, la basse, il compose les chansons, les paroles, la production, le mixage. Finalement, il reste plus grand. Il reste quelqu'un d'autre dans ce groupe-là. Ça a été enregistré au Devassant Studios d'Athènes. Où a été formé d'ailleurs le groupe il y a de nombreuses années. C'est tout pour nous cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. C'est un rendez-vous puisque c'est confirmé hein, pour cette entrevue avec Dan Beeler d'Exciter, le vocaliste batteur, Exciter qui justement hier était en mode rehearsal, en mode pratique pour ce concert qui s'en vient à Montréal le 18 mars prochain au Faux-Fonds électriques. Ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Hein? Et aussi, il y aura DJ Satanique sur place qui spinera des albums de bonne musique metal old school conjointement à l'événement et qui sera aussi au Catacombe pour un after show le 1er avril prochain, évidemment. Pour l'after show, évidemment, de ce concert d'Iron Maiden au Centre Bell. Alors, c'est plein de beaux petits événements qui s'en viennent. Alors, que dire d'autre? Spread the word pour Subversion. Plus de musique subversive, de musique à l'envers, sait-on jamais. Partagez les balados de diffusion hein, sur SoundCloud, les 4-5 derniers épisodes, et aussi tous les épisodes depuis la toute première que vous pouvez réécouter. Sur le site web hurlemort.com de notre sinistre chroniqueur Guillaume Gagnon sur le Hurlemort blog. Donc, allez voir tout ça quand vous avez le temps. Et puis, faites attention à vous autres. On se revoit la semaine prochaine. On se revoit ou on se reparle. OK? À la prochaine. Bye.